les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Catherine Libert, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 6h du matin. Nuit spéciale Hergé et Journal Tintin. Alors, à France Culture, c'est certain, on aime Tintin. Après Les Cigares du Pharaon, un feuilleton coproduit par France Culture, Moulinsart et la Comédie Française, diffusée en 2015, a suivi, sur la même antenne, France Culture, tout naturellement et tout chronologiquement, le Lotus Bleu. Alors, tout aussi naturellement, et en sautant quelques albums, mais en retrouvant Chang, découvert dans le Lotus Bleu, enfin, en le retrouvant, nous l'espérons, en tout cas, dans Tintin au Tibet, eh bien, nous allons suivre, nous, oui, ses aventures, Tintin au Tibet. En compagnie de Gauthier Van Merbeck, directeur éditorial du Lombard, nous célébrerons le 70e anniversaire de la création du journal Tintin, un anniversaire marqué par la parution d'un album volumineux, La Grande Aventure du journal Tintin, 1946-1988, édition Moulinsart, Le Lombard. Et puis, nous rencontrerons également le dessinateur Christophe Simon pour sa reprise des aventures de Corentin, Les Trois Perles de Saskia, édition du Lombard, scénario de Jean Van Ham. Mais bien sûr, que serait Tintin sans Hergé? Hergé que l'on entendra du reste en personne cette nuit grâce à la rediffusion d'un entretien accordé à la productrice belge Michèle Cédric. Hergé est à l'honneur, je crois que tout le monde le sait désormais, il est à l'honneur au Grand Palais dans les Galeries Nationales, c'est à Paris. Bonsoir Jérôme Neutre. Bonsoir Philippe. Alors vous êtes le commissaire de l'exposition, entre autres, exposition visible jusqu'au 15 janvier 2017. Une exposition que l'on visite avec le même plaisir que l'on prend à lire et relire tous les albums de Tintin. Et moi je me suis fait la réflexion, Jérôme Neutre, en voyant cette magnifique exposition, je me suis dit... C'est bien qu'il y ait un œil, c'est le vôtre, Jérôme Neutre, pour finalement me faire découvrir des secrets de Tintin ou d'Hergé, en tout cas, qui m'avaient échappé. Parce que le plaisir que l'on a à lire et relire, c'est aussi peut-être parce qu'on n'est pas très attentif, pas très observateur. On peut lire 10 fois le même album, et puis la 11e fois, tiens, on découvre un petit détail dans un dessin. Parce que parfois, on regarde le dessin, parfois, on lit plus les bulles. Et est-ce qu'on fait tout en même temps, est-ce qu'on fait tout bien? Mais peu importe, le plaisir c'est de relire et c'est cette façon de mal observer peut-être qui fait que ben, on revient toujours et toujours. Mais en tout cas, quand on visite l'exposition, on se dit il y a quelqu'un qui est derrière et qui aime Hergé. Alors, merci Philippe, mais il y a plusieurs personnes derrière cette exposition parce que, comme toute exposition d'ailleurs dans les Galeries Nationales, c'est un travail collectif et particulièrement pour cette exposition où... J'ai joué un peu le rôle de chef d'orchestre, de commissaire général, comme on dit, en essayant de fédérer précisément les talents, les expertises sur Hergé et sur Tintin, avec une collaboration privilégiée avec le musée Hergé de Louvain-la-Neuve, hein, qui possède 85% de l'œuvre dessinée originale d'Hergé, mais qui est aussi le lieu, le carrefour un peu, hein, où rencontrer les tintinologues et autres tintinophiles avertis sans lesquels cette exposition ne serait pas aussi riche qu'elle est, je crois. Car au fond, une des motivations de cette exposition, et je pense à légitimité, c'est qu'Hergé, et c'est un cas unique, je crois, dans la bande dessinée, et un cas très rare dans les arts plastiques en général, a suscité près de 600 exégèses d'historien de l'art, je pense à Pierre Sterckx, hein, à qui cette exposition doit beaucoup. Malheureusement, il est décédé avant de la voir, mais cette exposition lui doit beaucoup, surtout sa première partie, hein, sur la collection d'Hergé, son dialogue avec l'art. Il y avait tellement d'exégèses qu'il était évident qu'Hergé n'était pas un auteur de bande dessinée comme les autres. Qu'Hergé était vraiment un grand artiste, un artiste qui continue... Hein, de faire couler de l'encre, comme on dit, et qui continuera à en faire couler. Et des couleurs aussi, puisqu'on nous annonce pour janvier une version voilà. En couleur de Tintin au pays des Soviets. Cette exposition, quand même, elle a eu des yeux aussi, hein, pour guider. Vous disiez très justement que ça donnait envie de relire les albums de Tintin. C'était précisément l'objectif, puisque finalement, l'original d'un Hergé, c'est l'album de Tintin que vous et moi avons dans notre bibliothèque. Et je suis heureux de voir à la boutique de l'exposition que les albums de Tintin se vendent d'abord beaucoup, car au fond, les visiteurs, en sortant de cette exposition, ils ont envie de relire Tintin. Et ça, c'est vraiment très satisfaisant. L'enjeu de l'exposition, elle était, comme en lisant Tintin, d'avoir quand même une lecture aussi à deux niveaux. Parce qu'il faut tout de suite dire, c'est important parce que ça a été vraiment le prisme un peu de travail du commissariat de cette exposition. Un album de Tintin, il a une particularité, qui était d'ailleurs la devise du journal Tintin, c'est qu'il doit être lu par les jeunes de 7 ans et les jeunes de 77 ans. C'était la formule du journal. De l'hebdomadaire. De l'hebdomadaire. Eh bien, cet album de Tintin, n'importe lequel des 23 albums publiés de son vivant, vous pouvez le lire avec un enfant. Il y a deux niveaux de lecture, plusieurs niveaux de lecture, et chacun prend du plaisir selon sa culture, selon sa connaissance. Pour une exposition, pour l'objet exposition, c'était quand même un défi. Et ça, on n'est pas forcément habitué à devoir traiter cette particularité. Donc on a réfléchi comment faire une exposition qui soit pas un nini, qui soit pas un entre-deux, à la fois un peu pour les enfants et pour les adultes, mais qui soit à plusieurs niveaux de lecture. C'est pourquoi vous avez vu, Philippe, qu'il y a une scénographie beaucoup plus ludique, beaucoup plus gaie, avec du son, des décors, de la musique, des jeux. Des murs, des plafonds. Des agrandissements systématiques de certaines séquences, de façon à pouvoir entrer dans le dessin d'Hergé, des maquettes, etc. À côté de ça, il y a la plus grosse réunion jamais rassemblée de dessins et de documents originaux d'Hergé, avec un traitement scientifique du niveau habituel dans les galeries nationales. Mais enfin, donc j'espère qu'on a réussi. Le premier public, les enfants ont l'air de s'y retrouver. On a fait aussi deux audio-guides, un audio-guide pour les adultes, un pour les enfants. On a fait aussi deux catalogues en un, avec une partie pour les enfants, parce qu'il fallait pouvoir avoir des textes vraiment savants, enfin des exégèses, des essais. Il y a des essais inédits, dont un très beau bel essai sur Hergé et l'Orient, hein, par Pierre Baptiste, qui est un des conservateurs en chef du musée Guimet à Paris. Donc il fallait des choses de ce niveau intellectuel, et en même temps il fallait aussi que les plus jeunes puissent s'y retrouver. Mais cette exposition Hergé, donc au Grand Palais Jérôme Neutre, elle commence par Hergé collectionneur. On voit des toiles, parce qu'on va voir aussi des toiles peintes par Hergé, parce qu'il y a le Hergé collectionneur, le scénariste, dessinateur, homme d'affaires, homme des studios Hergé, directeur, enfin rédacteur en chef, non pas rédacteur en chef du journal Tintin, on en parlera avec Gauthier Van Merberg, mais en tout cas, il est là, évidemment, dès le premier numéro, c'est son journal. C'est le fondateur. C'est le fondateur, avec Leblanc. Ce qui vous intéresse, est-ce que c'est parce que c'est au Grand Palais qu'il faut tout de suite montrer des œuvres de qui? Alors de Andy Warhol, Liechtenstein. Disons que une exposition, c'est quand même la rencontre d'une œuvre d'un artiste avec un lieu. C'est pas n'importe quel lieu. Ce sont les Galeries Nationales du Grand Palais, fondées en 1966 par André Malraux pour montrer les plus grands artistes au grand public. Donc, c'était intéressant de poser Hergé comme un grand artiste comme les autres. C'est-à-dire de montrer qu'Hergé se considérait, se positionnait comme un artiste. Et qu'est-ce que c'est qu'un artiste? C'est d'abord un créateur qui s'inscrit dans une histoire de l'art, qui vient après des artistes, d'ailleurs avant d'autres. C'est pour ça que ce qu'on voit en premier, quand on rentre, il faut quand même, après une chronologie le long des escalators, c'est quand même cet agrandissement d'un dessin, un crayonné, qui vient de Tintin et l'Alfarte, de façon à ce qu'on rentre dans le dessin. C'est inviter le visiteur à pénétrer physiquement dans le dessin, un peu, je disais toujours aux équipes, c'est un peu comme le personnage de La Rose pourpre du Caire, d'Woody Allen, qui traverse l'écran et qui va dans le film, qui rentre dans le film. Alors on va rentrer dans les albums de Tintin pour en percer un peu les secrets, si on peut, en tout cas, en obtenir quelques nouvelles clés. Eh bien, ces nouvelles clés, c'est d'abord l'atelier, un peu l'atelier d'Hergé, non seulement des studios d'Hergé qui produisaient les albums de Tintin, et où on voit toutes les étapes de cette fabrication, mais également l'atelier plus secret d'Hergé, l'atelier de l'artiste intime qui s'essaye, qui peint, qui qui collectionne de l'art, c'est-à-dire qui dialogue avec des artistes, mais aussi avec des musées. Et il est intéressant dans cette première salle de voir que le fétiche Arumbaya que nous adorons tous dans L'Oreille Cassée et album qui démarre d'ailleurs dans un musée, eh ben est bel et bien une œuvre de musée. Hein. C'est une statuette périvienne du 12e-13e siècle. Vous n'avez pas peur qu'elle soit volée d'ailleurs au Grand Palais ? Ah, mais ça ajouterait. Elle serait pas, je suis sûr que si elle était volée, il y aurait des milliers de Tintins qui partiraient à sa recherche et qu'elle reviendrait, comme d'ailleurs elle revient dans à la fin de l'album L'Oreille Cassée. Il est intéressant de voir que Hergé donc puise son inspiration dans une véritable statuette précolombienne, mais pour la petite anecdote, le visiteur au Grand Palais remarquera, s'il regarde bien, que cette statuette, qui est vraiment à tout point égale à celle de l'album de Tintin, n'a pas d'oreille cassée, mais un pied cassé. Donc il y a une petite, on voit le travail du créateur là-dessus. Donc c'était intéressant de poser, c'est une sorte de préambule un peu. C'est-à-dire, pour ceux qui s'interrogerait sur la place d'Hergé dans les galeries nationales, sachez, regardez, c'était un grand artiste comme les autres, avec son questionnement, avec son dialogue avec l'art, avec un art, et ça aussi c'est une surprise dans ses toiles qu'il peint dans les années 60, un art abstrait. D'ailleurs, sa collection est un art très minimaliste. C'est étonnant de voir des Fontana, Jean-Pierre Reynaud, Liechtenstein, Warhol. Étonnant et au fond pas surprenant quand on voit les premières planches en 1929 de Tintin au pays des soviets et cette radicalité graphique, ce minimalisme, cette fameuse ligne claire dont on a tellement parlé, qui va jusqu'à des monochromes noirs. Il y a des cases de Tintin au pays des soviets qui sont un monochrome noir, comme le Malevitch que Hergé adorait en 1915. Faire l'exposition d'un artiste, faire la monographie d'un artiste, c'est faire la biographie de son œuvre et c'est faire son portrait artistique. C'est important de voir qu'il écoutait David Bowie ou les Pink Floyd. Hergé était branché, pour utiliser ce terme. Et ça explique pourquoi, et visionnaire. Visionnaire, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il collectionnait dans les années 60, Hergé, c'est ce qu'on voit dans les grandes foires d'art, hein, à Londres, à Paris, à la FIAC. Ce sont, par exemple, Fontana, aujourd'hui, est vraiment l'œuvre que tout collectionneur rêve d'avoir. Hergé l'avait à l'époque de Fontana. C'est-à-dire qu'il était très visionnaire. Et au fond, ça correspond aussi à ses partis pris esthétiques et artistiques qui sont très visionnaires. Ça explique pourquoi, en 2016, hein, rappelons qu'Hergé est né en 1907, et bien en 2016, il continue de se vendre 3 millions d'albums de Tintin par an, alors que le dernier publié remonte à 1976, Tintin et Picaros. Alors, on réapprend, parce qu'on aime apprendre et réapprendre quand on aime quelqu'un comme Hergé, un personnage comme Tintin et toute la bande de Tintin. On apprend que donc il visitait beaucoup les galeries à Bruxelles, la galerie Carrefour, et ça a donné donc Fourcard dans Tintin et l'Alphard, de même que Sartre Moulin avait donné Moulinsart. Enfin bon, on est comme ça faut le savoir, et peu importe de toute façon pour l'intérêt de l'œuvre. Alors Hergé, il ne se contente pas de collectionner, mais il peint aussi. Et alors il peint, il est très très humble sur son travail. Enfin, il ne pense pas être un immense peintre. Et en même temps, ce que l'on voit et ce que l'on découvre à Paris, donc dans les grandes galeries du Grand Palais, dans les galeries nationales du Grand Palais, c'est très beau, c'est très bien fait. C'est pas mal du tout. Oui, oui. Mais en même temps, il faut être honnête, si Hergé n'avait peint que ça, il ne serait pas aujourd'hui au Grand Palais. Ce qui est intéressant, il faut bien dire pour vos auditeurs, c'est vraiment l'apéritif de l'exposition. L'exposition, elle fait près de 2000 mètres carrés, et là, on parle de 10 mètres carrés dans lequel il y a ces toiles. Pourquoi ? C'est un peu un clin d'œil. En face, on a inscrit une citation, pardon, d'Hergé, qui dit un peu sa frustration à cette époque d'être un dessinateur relégué un peu au 9e art, hein, comme on dit. Et 9e, ben voilà, c'est pas dans les premiers. Il était cependant visionnaire. Hein. Il se disait que dans les années 2000, ben, la bande dessinée aurait enfin un droit de cité. Donc je pense qu'il a aussi peint un peu pour ça, pour se frotter à un art dit plus noble qu'un autre. Mais il a eu la sagesse de reprendre sur son chevalet Tintin, qui est son chef-d'œuvre incontestable et le médium de création, l'art qu'il a inventé et dans lequel il a excellé. Oui. Et puis alors justement, Hergé est la peinture, Hergé est les collections, c'est très lié, me semble-t-il, à l'époque de la création de Tintin au Tibet, qui nourrit donc notre nuit spéciale, Jérôme Neutre. Ce blanc extraordinaire, vous parliez du noir, mais ces blancs extraordinaires dans Tintin au Tibet. C'est d'abord, et on le voit dans l'exposition, avec des originaux d'ailleurs de Tintin au Tibet, mais d'abord on le voit dans les planches à l'encre de Chine, de Tintin au pays du Soviet, j'y reviens, la vibration des blancs. Et la vibration des noirs est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui d'abord a été un maître du graphisme en noir et blanc. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a su se réinventer en couleur. À partir de 1942, L'Étoile Mystérieuse, premier album en couleur, Hergé va coloriser, comme on dit, ses albums. En fait, il va réinventer. Ah oui, Tintin. Il va reprendre complètement les premiers albums. Et c'est quelque chose qui aurait pu mal tourner, parce que c'est pas facile quand on est un maître du noir et blanc de devenir un maître de la couleur. Et pourtant, c'est bel et bien ce qui va se passer quand on voit l'inventivité qu'il a en couleur, sa palette chromatique, et puis cette idée d'avoir des couleurs sans uniformes, sans des aplats, sans dégradés, ce qui va donner de nouveau cette clarté qu'il y avait dans son trait en noir et blanc. On a parlé de la statuette qui arrive tout droit de la République de San Theodoros, j'imagine, le fétiche Rumbaya. Et aujourd'hui du musée du cinquantenaire à Bruxelles. Si. Jérôme Neutre, mais il y a aussi la célébrissime maquette de la fusée de On a marché sur la Lune. Alors c'est intéressant de voir comment le public réagit, parce qu'en effet, on voit les enfants qui c'est l'oreille cassée, etc. Tout. Et les adultes sont très contents aussi de que leurs enfants reconnaissent. Enfin, il y a une espèce de la culture comme ça, tintinesque, se prolonge, se transmet avec plaisir. Alors, ce qui est très très très beau aussi dans l'exposition, enfin toutes ces salles que l'on fait à sa vitesse, avec lenteur, ou qu'on peut traverser selon on revient sur ses pas, voilà. Oui. C'est les murs. Alors les murs avec des couvertures soit du petit 20e, enfin du supplément du petit 20e, soit de le journal de Tintin, soit évidemment des albums Casterman. Ouais. Et même le soir pendant. Et pour revenir à la maquette, pour les auditeurs, c'est important de préciser, c'est pas comme ça l'idée de faire un parc Tintin, c'est pas du tout, c'est des maquettes qu'Hergé faisait construire pour son travail parce que une fois de plus on doit être, c'est l'ambition de l'exposition, dans l'atelier d'Hergé. Comment fabriquait-il les albums de Tintin? Et ben notamment en demandant à un ingénieur en 1950, 18 ans avant qu'un homme marche sur la Lune, de lui construire la maquette, 19 ans, de lui construire la maquette d'une fusée qui soit crédible. Donc il veut cette fusée, d'ailleurs on la voit, elle est éventrée, on voit les matelas qu'on reconnaît d'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien On a marché sur la Lune, et il veut quelque chose de très réaliste. Ça aussi c'est quelque chose qui est fascinant chez Hergé, le travail de documentation, le travail de réalisme, le travail de découpage, à l'instar d'un découpage cinématographique. Il y a beaucoup dans son style de langage cinématographique. Et ça fait partie des surprises de l'exposition et des informations essentielles. Il se déplaçait pas tellement. On ne sait pas si, on sait qu'il n'est jamais allé au Tibet. Il n'y avait pas de raison qu'il allait au Tibet. Il est allé quand même à Genève pour le faire tournesol, pour voir si la voiture pouvait tomber dans le lac à tel endroit ou bon. Mais enfin, un véritable artiste, le douanier Rousseau n'a pas visité les forêts d'Amérique du Sud pour peindre ses jungles. Et Hergé voyageait d'abord dans l'art, dans la littérature, dans le cinéma, qu'il aimait beaucoup, qu'il a beaucoup inspiré. Alors il y a une salle qui est sans doute une des plus grandes. Toutes les salles sont, vous avez parlé, on entend Hergé, on entend des musiques, on entend la Castafiore, bien sûr. Enfin bref, on est dans les albums, on est dans le plaisir de voir toute cette famille. Et puis précisément, il y a une salle qui s'appelle Une famille de papier, je crois. Oui. La plus grande salle. Et là, enfin, moi, quand j'y étais, il y avait personne, ou on était trois ou quatre, et on faisait silence. Tout le monde faisait silence parce que finalement, on arrive vers le cœur de Tintin, et il y a des pépiments d'oiseaux, c'est tout, mais il y a plus de... Parce qu'on est à Moulinsart, maquette du château de Moulinsart, vous n'étiez que trois ou quatre, Philippe, car vous étiez partie des privilégiés qui pouvaient visiter l'exposition en petit nombre avant son ouverture, mais cette salle a beaucoup de succès parce qu'elle, non seulement, elle montre, il y a un agrandissement d'une photo du château de Cheverny qui a inspiré en partie Moulinsart, parmi d'autres châteaux, il y a la maquette fête de Moulinsart. Et puis il y a effectivement sur les murs accrochés des grands crayonnés et leur traduction finale dans les albums autour de personnages, de l'art du portrait chez Hergé, puis c'est un créateur de personnages, et on s'est attaché à la fois, bon, évidemment, à des personnages les plus importants, hein, évidemment, comme le capitaine Haddock, par exemple, mais aussi à des personnages beaucoup plus secondaires, y compris des personnages comme le professeur Topolino, par exemple, de l'affaire Tournesol, qui n'apparaît que dans l'affaire Tournesol. Et on voit à quel point il y a la recherche d'un portrait très unique à chaque fois, d'un mouvement. Il y a du mouvement. Je trouve que c'est fantastique de voir que c'est vraiment du cinéma sur papier. L'idée du mouvement qui prime. Et vous, quel est votre geste d'Hergé ? Quel est Jérôme ? J'ai noté que vous disiez Moulinsart. Moi, j'entends dire Moulinsart. Alors, il y a deux écoles. Donc, on demandera à Gauthier Van Merbeek tout à l'heure, plus tard dans la nuit, il nous dira. Quel est votre plus joli petit Tintin, enfin, je parle pas des albums, mais dans tout ce que l'on peut voir dans cette exposition, donc au Grand Palais, quel est le moment, le crayonné, au contraire, le dessin très terminé, alors, en couleur, etc., où votre Tintin vous paraît le plus sympathique? Alors, je vais être sincère, étant un peu pour quelque chose dans la fabrication de cette exposition, il y a plusieurs pièces qui me tenaient à cœur et qui sont dans l'exposition, ça va sans dire. J'ai déjà évoqué les premières planches de Tintin au pays des Soviets, donc je vais pas y revenir, même si elles me plaisent vraiment beaucoup, par leur innovation graphique. Mais il y a cette salle quand même avec quelques planches encre de Chine originale de Tintin et le Lotus bleu, qui est un des premiers grands chefs-d'œuvre d'Hergé. Et je trouve vraiment très émouvant de voir le traitement, notamment le traitement du paysage et l'inspiration qu'a trouvé Hergé dans la peinture traditionnelle chinoise, notamment. Et on voit à quel point encore c'est un grand artiste. Avant le Lotus bleu, on avait déjà dans les cigares du pharaon, vous savez, Tintin et son petit canot qui se dresse sur cette vague, qui est la sœur jumelle de la vague de Kousaï, hein. Donc il y a aussi cette culture iconographique asiatique chez Hergé qui moi me touche beaucoup, et je trouve c'est très émouvant, cette salle du Lotus bleu. Il y a de nombreuses choses vraiment qui me tiennent à cœur dans cette exposition. Et vous savez, comme pour tous les tintinophiles et les lecteurs de Tintin, chacun a son Tintin préféré. Il peut y avoir une case préférée dans toute l'œuvre d'Hergé. Moi, par exemple, agrandi, alors très très très agrandi, j'ai vu un Tintin qui est charmant, enfantin, qui est joyeux, qui est tout seul. Enfin, il n'est pas tout seul, parce qu'il y a Milou qui est devant lui. Mais enfin, c'est dans l'étoile mystérieuse, et simplement, il court dans les rues. Et il est heureux parce que finalement, ce n'est pas la fin du monde. On croyait que ça allait être la fin du monde, que l'étoile allait, enfin, tout allait être catastrophique. Et qu'est-ce qu'il a une bonne tête, gentille. Parce que c'est vrai qu'il, finalement, c'est les autres personnages qui ont plus d'expressivité, quoi. Tintin n'en a pas énormément, et c'est peut-être pour ça qu'on l'aime. C'est vrai, Tintin n'a pas souvent d'émotions, mais il lui arrive d'en avoir, notamment dans Tintin au Tibet, précisément. Bien sûr, cette nuit va nous le prouver, va nous le prouver abondamment. Donc ce Tintin, c'est dans l'étoile mystérieuse. Vous voyez. Oui, tout à fait. Cette image, c'est l'étoile mystérieuse qui est donc créée en 1942, donc pendant l'occupation allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale, période de tourmente. Mais cet album montre, et cette case à laquelle vous faites référence, Philippe, montre à quel point Tintin, les albums de Tintin, le monde de Tintin est porteur d'espoir, d'un monde éminemment positif. Le monde de Tintin a ses propres règles, ses propres lois. Hein. C'est totalement différent du monde réel, puisque d'abord, on ne vieillit pas dans le monde de Tintin. C'est quand même pas rien. On se choisit sa propre famille à travers l'amitié, hein, qui est c'est quand même pas rien non plus. Et on n'appartient pas vraiment à un pays, pas vraiment à une religion. Bref, c'est un monde assez idéal, hein. Enfin, je parle en mon nom propre. Et dans ce monde de Tintin, ce monde, il est porteur d'espoir. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui nous touche beaucoup. Eh ben, ce monde d'espoir, donc, Jérôme Neutre, on le trouve, on le retrouve on s'en régale, si j'ose dire, au Grand Palais, dans les Galeries Nationales. C'est jusqu'au 15 janvier 2017. Il faut dire aussi qu'il y a un très beau livre, un très beau catalogue qui est publié en liaison avec aux éditions de la Réunion du Musée National. Voilà. 35 euros, un catalogue très complet, deux en un. C'est-à-dire qu'il y a un catalogue pour les plus jeunes et de nombreux textes d'exégètes qui ont, et beaucoup de facsimilés, beaucoup de reproductions vraiment de trésors. Et l'exposition, je me permets juste, c'est pas de la publicité, c'est de l'information, est ouverte notamment le mercredi soir jusqu'à 22h, hein, et tous les soirs jusqu'à 20h. Bon, alors fermeture le mardi. Bon, c'est bien. Bah, écoutez, ça sera pour demain, puisque nous cette nuit on va passer la nuit avec Tintin, Milou et Haddock, et ils vont aller très très loin, très très haut surtout, puisque comme vous le savez, Jérôme Neutre, il faut bien retrouver le petit Chang. Espérons qu'il le retrouvera à la fin de la nuit. Merci Jérôme Neutre. Merci Philippe.